Vous auriez pas vu notre chanson, elle est forcément quelque part. Nous on y tient, c'est tellement rare d'avoir une bonne inspiration. Notre chanson a disparu dans des circonstances un peu louches. Elle est passée de bouche en bouche, on tournait le dos. Les prometteurs, un refrain extraordinaire. C'est avec elle qu'on espère trouver très vite un producteur. La mélodie était trop bien, genre trois accords fédérateurs, où l'on pouvait chanter en chœur et aussi taper dans les mains. Mais rendez-la nous, rendez-la nous, rendez-la nous. Sans elle on se sent orphelin, comme un troubadour sans sa belle, comme un Hardy sans son Laurel, comme un Patrick sans Sébastien. Quand notre chanson s'est fait la malle, elle était tout juste majeure. Imaginez notre malheur si quelqu'un lui faisait du mal. Mais rendez-la nous, rendez-la nous, rendez-la nous. Pourtant on avait tout ce qu'il faut pour en faire un tube de l'été. Comment a-t-on pu l'oublier après deux ou trois apéros? On ne voit qu'une seule solution, quelqu'un a dû la kidnapper. Êtes-vous prêt à vous cotiser si on doit payer la rançon? Rendez-la nous, rendez-la nous, rendez-la nous. Espérons que c'est pas un tordu qu'a capturé notre chanson pour en faire un remix qui pue sur un gros label à la con. Si vous entendez un truc qui cloche, veuillez vous rendre immédiatement au commissariat le plus proche. Toutes les patrouilles sont sur les dents, mais rendez-la nous, rendez-la nous. Si notre chanson vagabonde, pas à vous tombe dans l'oreille, il faut pas que ça vous effraie. Courez la chanter à tout le monde, comme c'est une mélodie qui plaît. On est même prêt, tenez-vous bien, à vous laisser quelques couplets. Si vous nous ramenez le refrain, rendez-la nous, rendez-la nous. Si c'est pas vous, rendez-la nous, rendez-la nous, rendez-la nous. Allez, allez, on sait que c'est vous, rendez-la nous. On en a besoin, rendez-la nous, rendez-la nous, rendez-la nous. Allez, papa, bébé, bye. Bop, dig it up, bop.